ascenseur, à boire des litres de blonde. Comment ressentirais-je le cul d'une blonde? À poil dans l'ascenseur, à boire des litres de blonde. Il est la baissin qui sent le baissin. Mais bon sang, ça sent le grain. Il est la baissin qui sent le baissin. Mais bon sang, tout cela n'est rien. Il est la baissin qui sent le baissin. Mais bon sang, y'a de rien. Il est la baissin qui sent le baissin. Mais pourtant, je le sens bien. De mes cheveux blancs et des dents qui suivent leur destin. Tous les patins éoliens se retournent entre les bras. Au crépuscule de mes cheveux blancs et des dents qui suivent leur destin. Tous les patins éoliens se retournent entre les bras. Tous les du temps passé à te répondre. Je ne vois plus à l'horizon. Je le traîne en barbe. J'oublie du temps passé à te répondre. Je ne vois plus à l'horizon. Et je le traîne en barbe. Il est la baissin qui sent le baissin. Mais bon sang, ça sent le grain. Il est la baissin qui sent le baissin. Mais bon sang, tout cela n'est rien. Il est la baissin qui sent le baissin. Mais bon sang, y'a de rien. Il est la baissin qui sent le festin.